Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mai et oui, dernier jour du mois de mai, ça passe vite. Nous souhaitons une bonne fête aux Pétronies, ça vient du grec petit caillou. Étranges et mystérieuses, leur sensibilité et leur émotivité sont tellement envahissantes qu'elles tentent à se protéger derrière un masque d'impassibilité, voire de distance ou se replier sur elles-mêmes dans un silence glacé. Les trois nombres constituant leur prénom sont karmiques et leurs effets se font sentir sur plusieurs registres différents. Cela les fait évoluer au fil de leur existence, une tendance étant susceptible de se renverser. Le 18 qui est le nombre actif de Pétronies et le 72 qui est celui de Marie-Pierre vont justement dans le sens de nombreux changements de voyage avec une réussite tardive et non orientée forcément vers le bien-être matériel. En effet, ces femmes appartiennent à la race des idéalistes qui, malheureusement, n'ont pas toujours les pieds sur terre. Avec leur aspiration élevée et des vues larges sur l'existence, bien souvent irréalisables, elles peuvent connaître des phases d'intense déception, des désillusions, voire des crises nerveuses ou de dépression. Il sera plus facile pour elles de les vivre au travers de fantasmes ou en se réfugiant dans le monde de la spiritualité, de la parapsychologie. À moins qu'elle ne se tourne vers les paradis artificiels. Leur vie intérieure est importante et un intense sentiment de solitude se fait parfois sentir car elles ont facilement tendance à se sentir à part, marginales. Peut-être auront-elles plus tard la possibilité de vivre cela en originalité et créativité en empruntant par exemple les voies de l'avant-garde. Et également aujourd'hui c'est la visitation, en fait, religieuse. Dicton du jour à Sainte Pétronie, il n'y a pas de haie sans chenille. S'il pleut à la Sainte Pétronie pendant 40 jours, elle trempe ses guenilles. S'il pleut à la Sainte Pétronie, le blé diminue jusqu'à la fossée. La pluie de la visitation tombe 6 semaines sur la maison. Alors j'espère que ces dictons sont faux, puisqu'on le verra tout à l'heure dans la météo, ils annoncent un petit peu de pluie aujourd'hui. Alors j'ai pas vraiment envie qu'il pleuve pendant 6 semaines. Je suppose que vous, c'est également le cas. Allez, célébration internationale. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Peut-être une bonne raison, pourquoi pas, de commencer à arrêter de fumer. Ça s'est passé un 31 mai 1859 pour la première fois Big Ben donnait l'heure à Londres. 1910, indépendance de l'Union d'Afrique du Sud. 1961, proclamation de la République d'Afrique du Sud. 1975, création de l'Agence spatiale européenne. Allez, petite pause musicale avec les Fall Out Boy et leur titre Irresistible. It's irresistible. Les Fall Out Boy sur RGM, pile 8h37. On est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Ils sont nés un 31 mai 1930, naissance de Clint Eastwood, acteur, réalisateur, producteur américain, que l'on a pu voir entre autres. Je vous ai choisi que quelques films, sinon nous sommes encore là demain. Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand dans le rôle de Blondin, de l'or pour les braves, Un Frisson dans la Nuit dans le rôle de Dave Garver, L'Inspecteur Harry, L'Inspecteur ne renonce jamais et Le Retour de l'Inspecteur Harry dans le rôle d'Harry Callahan, L'Homme des Hautes Plaines, L'Évadé d'Alcatraz, La Relève, Impitoyable, Sur la Route de Madison, Million Dollar Baby dans le rôle de Frankie Dunne, Grand Torino, réalisateur d'Un Frisson dans la Nuit, L'Homme des Hautes Plaines, Brizzy, La Sanction, José Wells, Hors la loi, L'Épreuve de force, La Relève, producteur de L'Accord de Raid, du film A Star is Born, sorti prévu pour le mois d'octobre, réalisateur et producteur de Firefox, L'Arme absolue, Donkey Kong Man, Le Retour de l'Inspecteur Harry, Pal Rider, Le Cavalier solitaire, Impitoyable, qui lui a valu l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, Sur la route de Madison, Mystic River, César du meilleur film étranger, Million Dollar Baby, Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et César du meilleur film étranger, Mémoire de nos pères, Grace is Gone, L'Échange, Grand Torino, César du meilleur film étranger, Invictus, J. Edgar et plus récemment Sully. 1940, naissance d'Alain Duhamel, journaliste français. 1943, naissance de Sharon Gless, actrice américaine, connue pour son rôle de Madeleine Westen dans la série télé Burn Notice, son rôle de Colleen Rose dans Nip Tuck et apparue également dans Rizzoli and Isle. 1949, naissance de Tom Berenger, acteur américain, vu dans Platoon dans le rôle du sergent Bob Barnes, dans Traqué dans le rôle du détective Mike Keegan et vu également dans Né un 4 juillet ou encore Inception. 1950, naissance de Gregory Harrison, acteur américain, connu pour son rôle du docteur Randolph Kilner dans la série La Vie avant tout, vu dans Les Frères Scott dans quelques épisodes dans le rôle de Paul Norris, Les Experts Manhattan, psych enquêteur malgré lui, Castle ou encore Rizzoli and Isle. 1953, naissance de François Rollin, humoriste français connu pour son personnage du professeur Rollin, créé en 1988 pour la série Palace. 1960, naissance de Chris Elliott, acteur américain vu dans Le Sixième Sens dans le rôle de Zeller, dans Marie à tout prix dans le rôle de Dom Voganowski, La Famille Folding, Scary Movie 2, la série télé How I Met Your Mother dans le rôle de Mickey Aldrin, le père de Lily. 1961, naissance de Lea Thompson, actrice américaine vue dans Les Dents de la Mer 3, Retour vers le futur 1, 2 et 3 dans le rôle de Lauren Baines McFly, dans la série télé Ed dans le rôle de Liz Stevens ou encore dans la série Scorpion dans le rôle de Verica Dinen. 1965, naissance de Brooke Shields, actrice américaine, vue dans La Petite dans le rôle de Violette, Le Lagon Bleu dans le rôle d'Emeline Lestrange, la série télé Z70 Show, Nip Tuck, Anna Montana dans le rôle de la mère de Miley Stewart ou encore American Wives. 1967, naissance de Sandrine Bonner, actrice française, vue dans À nos amours dans le rôle de Suzanne, qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin, Santoine Hillois dans le rôle de Mona, qui lui a valu le César de la meilleure actrice, Les Innocents, Jeanne Lapucelle dans le rôle de Jeanne d'Arc, Adieu Paris ou encore Salut on t'aime dans le rôle de Nathalie Béranger. 1976, naissance de Colin Farrell, acteur irlandais vu dans Tigerland dans le rôle de Boz, Minority Report dans le rôle de Danny Whitware, Fun Game dans le rôle de Stu Shepherd, SWAT Unité d'élite dans le rôle de Jim Street, La Recrue dans le rôle de James Clayton, Daredevil, Alexandre dans le rôle d'Alexandre Legrand, dans le film Miami Vice, Deux flics à Miami dans le rôle de James Croquette, Comment tuer son boss dans le rôle de Bobby Pellitt, Total Recall Mémoire programmée et plus récemment dans Les Animaux Fantastiques dans le rôle de Percival Graves. 1980, naissance d'Andy Hurley, musicien américain, batteur du groupe Fall Out Boy. 1983, naissance d'Arnaud Denis, acteur français vu au cinéma dans Yves Saint Laurent et à la télévision dans Monsieur Max ou encore Candice Renoir. Et en 2009, décédait Milvina Dean, britannique, dernière survivante du naufrage du Titanic à l'embarquement. Elle était la plus jeune passagère à bord puisqu'elle était âgée seulement de 2 mois. Allez, petite pause musicale avec l'Algérino et son titre Va Bene. C'est l'Algier, DJ Core. J'ai grandi dans le bloc, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. champagne dans les poches, marre ta vie devant la vie, tu veux la marie marie. Mais faut les billets, cagoule et ganté, je vais tous les faire chanter. La la la, oui je vis, t'es fait en double fil, je fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui, va venir ma belle là, tu as marché dans ma favela. La la la, va venir ma belle là, je la fais danser la macarena. Difficile, j'suis loin d'être agile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me file. Et vas-y, lâche une blonde, à sa break of fame. Ah ouais, ah ouais. Cause tout de suite en hélico. Marseille, c'est cramé, c'est chaud. Y'a des condés dans l'allée. Les petits chez moi les font cavaler. Lamborghini Gallardo. J'bois une petite Mantaro. Ah, tu m'as vu à la télé. Gianni Versace, tu me reconnais, ma chérie. J'suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille, c'est la folie. Ah ouais, ah ouais. Va venir ma belle là. J'suis à Marseille dans ma favela. La, la, la, la. Va venir ma belle là. J'la fais danser la macarena. Elle vient de Mani, elle fait la difficile. J'suis loin d'être fragile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Dans sa wego famille, ah ouais, ah ouais. J'suis posé seul en terrasse. Le cousin lève le T-Max. J'crois que j'vais finir en serrage. Tu rends fou le compte de ta race. HLM au bord de la mer. Tu en buvette, j'accélère. Qu'est-ce que tu veux que j'dise aux minots, hein? Sont tous devenus parano. Ma chérie, j'suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille, c'est la folie. Ah ouais, ah ouais. Va venir ma belle là. J'suis à Marseille dans ma favela. La, la, la, la. Va venir ma belle là. La, la, la, la. J'la fais danser la macarena. J'suis un phénomène. Elle est pleine de manie. Elle fait la difficile, j'suis loin d'être fragile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Et vas-y, lâche une blonde, à sa wego famille. Bene, l'Algérino sur le 107FM, presque 8h45 et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Alors aujourd'hui il y a du brouillard par endroit, donc soyez vigilants et on aura des éclaircies et de la pluie et des orages sont encore à prévoir pour cet après-midi. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés pour cet après-midi. Pour vendredi ce sera de la pluie, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés l'après-midi. Et pour samedi de la pluie également, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour samedi après-midi. Et ça devrait normalement s'améliorer pour dimanche, on en reparle bien évidemment demain. Allez, on passe maintenant à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Allez, on va se rafraîchir un peu puisqu'on va aller parler hockey sur glace avec les playoffs de NHL. Et le match numéro 2 cette nuit qui oppose Vegas à Washington. Et dans ce second match, eh bien, c'est Washington qui s'est imposé 3-2. Les deux équipes sont donc à égalité, une manche partout. Le match numéro 3, ce sera samedi. Un mot de rugby avec le début des championnats du monde U20 et la France qui a bien démarré puisqu'elle s'est imposée 26-24 face à l'Irlande. Allez, maintenant on s'envole pour Paris et on va parler tennis bien évidemment avec Roland Garros. Et ça s'est plutôt bien passé pour nos Français hier. 5 sur 7 avec la qualification de Jérémy Chardy en 5-7 face à Thomas Berdych. 7-6, 7-6, 1-6, 5-7, 6-2. Qualification de Julien Beneteau en 4-7, lui qui dispute son dernier Roland Garros. Et donc il a battu Meyer 2-6, 7-6, 6-2, 6-3. Herbert s'est qualifié en 4-7. 4-7 face à Polanski, 6-3, 4-6, 6-2, 6-2. Gaël Monfils qui s'est qualifié en 3-7, lui qui a déclaré après en conférence de presse qu'il était malade. Il a battu donc Clizane, 6-2, 6-4, 6-4. Gilles Simon s'est qualifié en 4-7 face à la tête de série numéro 12, Sam Querrey, 1-6, 7-6, 6-4, 6-1. Et en revanche, donc, élimination de Corentin Moutet qui a quand même donné du fil à retordre au Belge Goffin. Goffin qui s'est imposé donc en 3-7, 7-5, 6-0, 6-1. Élimination de Benoît Paire qui a donné du fil à retordre lui aussi à Kei Nishikori. Le japonais s'est qualifié en 5-7, 6-3, 2-6, 4-6, 6-2, 6-3. Et Lucas Pouille, lui, n'a malheureusement pas pu terminer son match à cause de la nuit. Il affronte Nori. Le français a remporté les deux premiers sets, 6-2, 6-4. Il a perdu le troisième, 5-7. Et c'est là-dessus que ça reprendra aujourd'hui. Dans les autres rencontres, Djokovic s'est qualifié en 3-7 face à Mouniard, 7-6, 6-4, 6-4. Alexander Zverev a bien eu du mal pour venir à bout de Lajovic. Il s'est imposé en 5-7. Bautista Agut s'est qualifié en 3-7. Karen Obusta s'est qualifié en 4-7. Dimitrov s'est qualifié avec bien du mal en 5-7 face à Donaldson avec un 10-8 dans le 5e set. Et Dominic Thiem, lui, n'a pas pu disputer la fin de son match face à Tsitsipas. Thiem mène 6-2, 2-6, 6-4. Ça reprendra donc aujourd'hui. Dans les autres rencontres, Julien Beneteau aura un gros match face à Juan Martín Del Potro. Richard Gasquet affrontera Jaziri. Il y aura un duel franco-français entre Pierre Hugerbert et Jérémy Chardy. On n'aime pas trop ces rencontres, mais on va se conforter avec la nouvelle d'avoir un Français de sûr au prochain tour. Dans les têtes de série, Marin Cilic sera sur les courts, tout comme Rafael Nadal face à Pella. Il y aura également Edmund Schwartzman, Anderson, Fonini ou encore John Isner. Côté double messieurs, la bonne nouvelle pour Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert qui ont passé le premier tour en double messieurs. Et côté féminin, la rencontre franco-française entre Alizé Cornet et Pauline Parmentier a tenu toutes ses promesses. Gros match de nos deux joueuses françaises. Match très très disputé, interminable d'ailleurs ce match. Elle n'en pouvait plus à la fin de la rencontre et c'est Pauline Parmentier qui s'est imposée en 3-7, 6-7, 6-4, 6-2. Simona Halep s'est fait une petite frayeur, mais c'est tout de même qualifiée en 3-7 face à risque. 2-6, 6-1, 6-1. Wozniacki n'a pas traîné sur les courts. Elle s'est qualifiée en moins d'une heure en 2-7 face à Garcia Pérez, 6-1, 6-0. Svitolina, Kvitova, Kazatkina, Kiz et Stéphane se sont toutes qualifiées également en 2-7. Au programme d'aujourd'hui, la petite française Ferro aura un gros match face à Muguruza. Il y aura également Caroline Garcia face à Peng. Il y aura Halep face à Thompson, Serena Williams face à Barty et également les matchs de Sharapova, Gorge, Mertens, Van de Beek, Kerber ou encore Pliskova. Voilà pour l'actu sportive. On va maintenant marquer une dernière pause musicale et ça va nous réveiller si ce n'est pas le cas à 8h50. C'est Sound of Legend et le titre Bella Ciao. Thank you. Sons of Legend sur RGM, il est presque 8h54, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on va faire un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, direction le petit agenda. Alors, nous sommes jeudi, et bien 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel, 13h midi, ce sera le retour de Lia, 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel, 14h, Clip Clap, on tourne avec Tanguy, à 16h, Les Années Bonheur avec Gilou, 18h, L'Heure des Loups avec Lou, 20h, la première de Débat et Déo avec Julien et Julien, 23h Rock à la Casbah, minuit la rediffusion de la bulle de Lia et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.